Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. C'est la foire au vin chez Carrefour. Moi, en quelques clics sur carrefour.fr, j'ai commandé toute ma foire au vin. C'est génial. Je peux même me faire livrer chez moi. Et hop, facile, rapide. Résultat des courses, c'est la classe d'être un hyper digital papy. La plus grande foire au vin notée par la Revue du Vin de France est chez Carrefour. Jusqu'au 30 septembre, commandez en ligne sur carrefour.fr et récupérez toute votre foire au vin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive ou faites-vous livrer chez vous. Carrefour. Retrouvez toutes nos offres de la foire au vin sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Virgin Radio Classics, les indispensables de Virgin Radio. Feel Classics. Classics. Les indispensables de Virgin Radio. Radio Classics. La web radio 100% Classics. Virgin Radio Classics. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli sur virginradio.fr. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Stop! Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Classics. Oh, tout semble avoir été perdu dans un cercle solitaire. Tous ont des idées d'heureux. Et si les plus belles sont déjà prises, si les plus beaux sont comme elles disent, que deviens-tu? Pose devant ta glace pour un nouvel inventaire. Avant d'y perdre la face, tous vous criez au secours. Nous voilà lueur du jour. Aimer en cours, aimer plus fort. Ton jeu entre l'amour et le plaisir, quel est vraiment ton désir? Tu dois choisir. Oh, oublie toutes ces choses de la vie qui reviennent pour toujours. Le grand vide de tes nuits, prends un ticket pour ailleurs sans te priver du bonheur d'aimer encore, d'aimer plus fort. Sous-vivre ici-bas. Turn the track up, sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams, and I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. Amour.

Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Virgin Radio Classics. Classics.